Le rideau des Tuileries se relève. Dans la chambre, Fouché est toujours là, debout à la même place. Seulement, c'est Louis XVIII qui est assis à la place de Napoléon. Louis. Monsieur le Duc, je n'aime pas votre liste de proscriptions. Fouché, je fais respectueusement remarquer à votre majesté que si elle avait tenu compte de la première liste que je lui ai fait officiellement tenir quelques semaines avant les 100 jours, Bonaparte ne serait pas remonté jusqu'aux Tuileries. J'ai retrouvé cette liste dans la corbeille de votre majesté. Louis, simplement. Oui, au dernier moment, dans la bousculade du départ, personne n'a été fichu de trouver de briquet. Vous avez ramassé mes papiers ? J'ai fait un tour dans la chambre de votre majesté par prudence et j'ai sauvé tout ce qui avait quelque intérêt. Je tiens ces documents précieusement préservés à la disposition de votre majesté. C'est bien. Ayez l'obligeance de les remettre dans ma corbeille, monsieur. Ils y étaient. Fouché s'exécutant de mauvaise grâce. Je ferai ce que le roi voudra. Il demande presque inquiet. Votre majesté ne me demande pas si je n'en garde pas quelques-uns par-devers moi, pensant qu'ils pourraient m'être utiles. Louis simplement, à quoi ? J'ai pris sur moi de vous utiliser, monsieur Fouché, malgré une solide opposition de mon entourage immédiate, et de vous admettre dans mon ministère. Malgré aussi une répugnance personnelle, passez-moi le mot, que je vous crois assez intelligent pour apprécier. Mais le roi ne se croit pas le droit de tenir compte de la répugnance, passez-moi encore une fois le mot, voulez-vous, que le comte de Provence pourrait avoir pour l'un des assassins de son frère. Je pense que dans l'état actuel des affaires, vous pouvez être utile au pays avec vos qualités et vos défauts. C'est assez, le roi de France ne détaille pas. Je remercie respectueusement votre majesté. Nos rapports seront pratiques. Nous nous passerons aussi des remerciements. Mais puisque je vous utilise, je vais vous charger d'un poids insolite pour vous, celui de ma confiance. Elle sera totale, monsieur Fouché. Je dirais même enfantine, et je ne vous cache pas que je compte bien vous embarrasser avec ce sentiment nouveau pour vous. Je vous ai demandé de remettre ces papiers dans ma corbeille. Ils y sont sûrement tous. Maintenant, parlons d'autre chose. Fouché, gêné, un peu désemparé même, soudain se fouille. Je remets aussi ces deux-là, sire, un oubli. Il les jette dans la corbeille, Louis souriant. Bien, vous voyez, c'est un autre jeu. Il suffit d'en apprendre les règles. Il ajoute toujours souriant. Et le dernier même, que vous avez sans doute gardé, ne peut vous servir en rien, parce que cette fois, vous savez très bien que c'est pour tout de bon que je suis revenu sur le trône de mes pères. Nos amis, les Anglais, se sont chargés de Bonaparte et ce sont des gens très sérieux pour ces sortes de choses. Je ne vous l'apprends pas. Vous n'avez donc plus d'autre maître possible à servir que moi. Avouez que ça simplifie bien les choses. Fouché soupire et après un silence, remet un dernier papier. Louis sourit encore et lui dit après un temps. Je suis vieux, monsieur Fouché, presque infirme. Je suis encore gourmand malgré la goutte, mais il y a beau temps, hélas, que j'ai renoncé aux dames. Ne parlons pas des autres biens de ce monde, j'y étais tellement habitué petit que par contraste, tant doute, je m'en passe très facilement. J'en ai vu de toutes les couleurs et j'ai beaucoup pensé aux hommes dans mes lits de chambre d'auberge pendant ces 19 ans de vie errante où j'ai peu dormi. Un roi est désintéressé par essence et par fonction. Si nous nous faisions de la propagande, comme votre ancien maître, nous pourrions nous servir de cet argument-là. Pour moi, c'est encore plus simple. Je ne travaille même pas pour mon fils. Le ciel ne m'en a pas donné. Mon bon frère, sur lequel je vous fais grâce de mon jugement, parce qu'il ne vous regarde pas, ne me succédera pas très longtemps. Il est aussi vieux que moi. Mes neveux, si Dieu le veut bien... Et je lui demande instamment, car ça m'ennuierait tout de même, que le gâteau finisse par revenir au duc d'Orléans. Il y a trop longtemps que ces gens-là en ont vilainement envie. Admettons donc, sans nous griser de grands mots, comme avaient un peu tendance à le faire ces messieurs de la Convention, que je n'ai aucune raison de ne pas être sincère quand je dis que je vais travailler pendant les quelques années qui me restent à vivre pour le bien de la France et non pour le mien. Si j'ai pu mettre un peu d'ordre dans la boutique avant de me présenter à Dieu, je m'estimerai comblé. Je pense que vous êtes aussi vieux que moi, que vous avez beaucoup roulé votre bosse d'une façon différente, mais autant que moi, que vous avez pris soin de vous faire assez riche pour que ça ne vous amuse plus, vous non plus, et que vous avez pu apprécier la vanité des honneurs et le goût fade du sang. Pourquoi douterais-je, je vous le demande, que vous allez travailler honnêtement avec moi? dans une vie aussi tumultueusement remplie, il vous restait à goûter les joies du désintéressement et de l'honnêteté, ce luxe suprême qui vous a été refusé jusqu'ici par votre naissance basse et par les luttes que vous avez dû soutenir pour échapper à votre condition. Ça va être si nouveau pour vous que, vous me direz si je suis un naïf, je mise là-dessus. Voilà tout. Vous avez toute facilité de me tromper, monsieur le duc d'Otrante. Je ne vérifierai jamais rien que dans vos yeux. Ça sera donc si simple qu'il se peut que ça ne vous amuse pas. Je le souhaite de tout mon cœur et j'en fais le pari. Si je m'aperçois que j'ai fait erreur, j'aviserai. Reprenons donc nos affaires. Je n'aime pas beaucoup votre liste de proscriptions. Henri IV, en entrant dans Paris, a commencé par embrasser les ligueurs dont il avait encore des traces de dagues mal cicatrisées sur le corps. Ce n'était pas de la grandeur d'âme pure, il était béarné. C'était du bon sens et de la finesse. Rentrer en France en parlant de haine serait tout simplement le fait d'un homme inintelligent et d'un médiocre politique. Tout de même, il y a le cas du maréchal, Majesté. Vous lui aviez confié le gros de vos forces. Il avait promis de vous ramener Bonaparte dans une cage de fer. C'est un méridional. Et puis, il faut compter avec le sentiment. Il en avait un pour cet homme, presque féminin. L'opinion publique ne comprendrait pas. Voilà peut-être un argument. Mon sentiment personnel doit passer en second, Monsieur Fouché. Vous me dites qu'il se cache en Auvergne? J'ai son adresse. On lui a fait passer ses passeports sur mon ordre. Un pour la Suisse, l'autre pour la Hollande, avec deux noms. Il avait le choix, sapristi. Il les a et il traîne. Comme les hommes sont inconsidérés. Je comprends qu'ils regrettent la France. Moi aussi, je l'ai regretté. Ce sont ces pantoufles qui vont condamner celui-ci à mort. Il serait si bien en Suisse, au lieu de passer en haute cour. Il pourrait s'occuper d'horlogerie. Lui qui n'a pas su dire l'heure juste au clocher de Grenoble. Si votre majesté ne donne pas l'ordre de l'arrêter, ce n'est pas de clémence qu'on parlera, mais de faiblesse. Je ne suis pas faible. Je ne veux pas l'être. Je n'en ai pas le droit. Mais j'ai horreur du sang versé. D'autant plus que je le trouve inutile et pire, maladroit. Faites-lui officieusement savoir qu'on lui donne encore 8 jours pour déguerpir. Qu'il les emporte après tout, ces pantoufles. J'obéirai aux ordres du roi. Et puis, en somme, si vous avez bien fait votre métier, personne ne le sait, que nous savons où il est. C'est vrai, sire, mais si on l'apprenait, prenons garde à perdre la face. Vous savez, sur ce point, je n'ai pas les mêmes soucis de coquetterie que Bonaparte. Dieu merci, je ne suis pas en représentation, moi. En tout cas, pas au cachet. J'ai une très très vieille face que je n'ai pas faite moi-même. J'ai moins de raisons d'avoir peur de la perdre que lui. C'est pour ça que les rois, l'un dans l'autre, si j'ose dire, peuvent faire plus tranquillement leur métier que les usurpateurs. Ils peuvent même s'offrir le luxe d'avaler quelques couleuvres sans broncher, quand il le faut, comme moi ce matin. Ce que ces messieurs ne peuvent pas se permettre. Vous avez certainement un briquet tout près, vous, tel que je vous connais, hein? Voilà une cheminée. Brûlez-les donc, ces papiers. Là, nous n'y penserons plus. L'huissier gratte à la porte et entre. Monsieur le duc de Blacas, à qui votre majesté a accordé audience, est là. Qu'il entre. L'huissier sort et introduit le duc de Blacas. Le duc de Blacas entre avec ses 3 révérences. Louis lui désigne gracieusement Fouché. Monsieur le duc d'Otrante, que vous devez connaître, Jules, quoi qu'il soit à 4 pattes. Il brûle des papiers. Le duc de Blacas se détourne vers la fenêtre avec ostentation. Louis a Fouché le congédiant. Merci, monsieur le duc, pour cette belle flambée. Elle est très gaie. Je surveillerai moi-même la combustion. Avec 3 révérences à reculons, Fouché, après un regard torve à Blacas, sort de la chambre. Louis, eh bien, mon bon ami, nous voilà revenus. Il lui désigne gracieusement un siège sans bouger. Vous m'avez demandé une audience. Je vous écoute. Blacas est une grande asperge en fatigue et vaine, s'écrie abruptement. Sire, il faut venger le sang de Saint-Louis. Louis lève comiquement les bras au ciel. Nous avons tant de choses à faire. Chargeons-en Saint-Louis. Vous ne trouvez pas que c'est une idée? Il est mieux placé que nous pour ça. Blacassé. Votre auguste frère a péri sur un échafaud infamant. Et je trouve un régicide faisant du feu à Cropeton dans votre cabinet. Le feu, je le lui avais commandé. À Cropeton, c'est parce que les cheminées sont basses. Il a voté la mort du roi, c'est exact, avec 300 et quelques de ses collègues, et il était dans mon cabinet. Je vais dire mieux, vous serez le premier du château à l'apprendre. C'est de ce matin, il est mon ministre. Asseyez-vous donc, Blacas, vous êtes si grand que vous me donnez le vertige. Blacas tombant sur un siège blême. Je suis anéanti. Louis gentiment. Je regrette de ne pouvoir vous prendre au mot, mon ami. L'anéantissement, ça serait la solution rêvée. Blacas qui roule des yeux ronds, mais je ne comprends pas ce que le roi veut dire. Mais sire, je représente ici l'émigration et la fidélité. Nous étions avec vous à Midtown et à Koblenz. Nous étions avec vous à Londres. Qu'est-ce que le roi compte faire pour nous? Louis toujours gentiment. Être ingrat. Sire, je ne veux pas croire que vous ayez le cœur à railler un vieux serviteur que vous avez bien voulu appeler quelquefois votre ami. Mais à l'instant même, Blacas. Sire, nous sommes rentrés en France pleins d'espérance après ce long cauchemar. Moi aussi, mais mon bon, je me suis trouvé tout d'un coup avec la réalité sur les bras. Remarquez que je ne m'en plains pas, j'aime bien la réalité, elle a un goût de pain. C'est de pain que je viens vous parler, sire. Du pain de nos enfants. Louis, riant, nous revoilà à Versailles. Quand on entre chez le roi, c'est pour lui demander de l'argent. Pas d'autre argent que le nôtre, sire, et justice. Que compte faire le roi des biens des émigrés? Louis doucement, Blacas. Si je n'étais qu'un simple gentilhomme, croyez que je serais sans doute un vieux fou comme vous. Moi aussi, je suis de l'autre temps. Mais je ne puis pas être le roi de la petite poignée d'hommes qui m'a été fidèle, à moi ou à leur haine. Je n'ai jamais voulu le démêler exactement. Je ne suis pas le roi des gens de Londres. Je suis le roi des millions d'hommes qui, bon gré, mal gré, sont demeurés et qui ont dû composer comme ils ont pu avec ce qui leur tombait dessus. L'émigration, c'était tout de même un luxe. On s'en est fait un titre de gloire, je veux bien, mais s'il n'était resté personne en France, avouez que ça aurait été tout de même embêtant. La casse-pince et tous ceux qui sont restés ont plus ou moins trahi. Ils ont vécu, ce qui n'est jamais très commode. Et quoi qu'ils aient pu faire, tous ceux qui sont restés pendant ces 19 années qui pour nous ne furent qu'un entracte, ont été la France pendant tout ce temps-là. Et c'est d'eux que je suis le roi, c'est donc pour eux que je vais travailler. Dois-je comprendre, sire, que vous ne rendrez pas leurs biens aux émigrés? Oui, je le déplore, et c'est probablement injuste, mais l'efficience est toujours injuste, je ne le ferai pas. La seule chose sur laquelle il ne faut pas badiner en France, Blacas, c'est le bas de laine. Si vous leur demandez le dernier de leur fils pour la conscription, les Français sont toujours prêts à crier qu'il mourut, la main sur la couture du pantalon. Mais si vous faites mine de toucher à leur argent, tout change. De quel jour croyez-vous que date la République? Toute la France était royaliste en 92, du jour où ils ont osé acheter des biens nationaux. Ce jour-là, la France était embarquée, le bas de laine était à bord. La raison d'État veut donc que les acheteurs des biens nationaux puissent dormir tranquilles. Blacas s'est levé clapissant. L'Europe légitimiste va se voiler la face. Elle fera bien, elle n'est pas belle à regarder. J'attends après vous les ambassadeurs de mes bons frères, les souverains de Russie, d'Autriche et de Prusse. Ils viennent pour les comptes. Il va falloir discuter serré, je vous le jure. Ergoter sur les réquisitions d'hommes et d'argent, se mettre à quatre pattes et ne plus bouger sur nos réserves de blé, s'accrocher des ongles aux pierres des places fortes. Tous ces gens-là veulent un petit bout de France pour arrondir un peu leur gros état. La Pologne leur a donné faim. Il est légitime que pour les immenses services rendus, Louis en colère soudain, mais qu'est-ce que vous me chantez? Rien n'est légitime que de lâcher le moins possible par tous les moyens. Ce n'est que pour ça que je les vois. Ils me font rire, ces imbéciles de Jacobins, avec leurs fourgons de l'étranger. Ah, quand ils ont une formule, ceux-là. J'y ai voyagé accroché au ressort comme un crocheteur à leur fourgon, parce que c'était le seul moyen de transport, et j'ai sauté en marche à peine la frontière passée. Patience, mon grand Blacas, je suis gentilhomme, mais je ne vais pas faire comme Louis XV à Amiens, hein. Je vais me débattre comme un gros maquignon. Je suis ravi. Une minute de canaillerie pour le bon motif, c'est bon à prendre. Il n'y en a pas tant possible dans une vie de roi. Le roi va marchander ses alliés, Louis exprès vulgaire. Et comment? Vous savez ce qu'ils avaient projeté, mes bons frères, pour mercredi prochain, de faire sauter le pont d'Iéna. Blacas qui ne comprend décidément rien. Oui, j'ai appris l'heureuse nouvelle. L'heureuse nouvelle? Mais vous trouvez que messieurs les militaires, avec leurs plans géniaux, ne nous ont pas fait sauter assez de ponts depuis Valmy? J'en ai 512 à reconstruire. Mais sire, Iéna est le souvenir d'une atroce défaite. Mais pour la Prusse, vous confondez, mon bon, pas pour nous. Revenez de Londres, mon ami, nous sommes à Paris maintenant. Mais les armées de l'usurpateur... Mais c'était les nôtres. Et puis un pont est un pont. Ce sont les Jacobins qui ont inventé de fourrer des symboles partout. Moi, je vais vous faire rire. Vous savez ce que je leur ai fait dire à mes bons frères? que mercredi prochain, j'y serai, moi, sur le pont d'Iéna, sur mes grosses jambes. Ils sont bien embêtés. Tout ça, ce n'est que des petits bourgeois, des petits obreaux parvenus avec 150 ou 200 ans de royauté derrière eux et qui ont encore peur du scandale, comme des gens de province. Pas moi. Le scandale, moi, je m'en fous. Je suis d'une vieille maison où on ne l'a jamais craint. J'y serai sur le pont d'Iéna, mercredi, qu'ils y comptent, dès l'aube. Je ferai un baroufle du diable et on verra s'ils les allumeront, leurs pétards. La casse liquéfiée qui soit permis à l'ami de le lui dire. Si le sujet doit s'incliner devant la volonté royale, il m'est profondément pénible, sire, d'entendre le roi de France parler comme un patriote. Vous me faites rire. Si je ne l'étais pas, qui le serait? D'abord, il est à moi, ce pont. C'est ça, le patriotisme. Il commémore une victoire de Buonaparte. Venu de Bonaparte, comme tout le monde, puisque ça lui fait plaisir. Mais les victoires de Bonaparte aussi sont à moi, monsieur. Décidément, vous tombez de la lune. Je vois que c'est avec les royalistes que je vais avoir le plus de fil à retordre. La France est couverte de gloire pendant les 19 ans où je faisais le pied de grue expulsé lâchement à chaque traité de paix des royaumes de mes bons frères à tour de rôle. Je vais tout de même pas rayer toute cette gloire sous le prétexte que j'étais retenu ailleurs. Les guerres de l'Empire, je les prends à mon compte. Et la Révolution, pareil, je la digère. Quelquefois, je rencontre un os, comme Fouché dans mon ministère. Je vomis discrètement et je ravale. Ça ne regarde que moi si j'ai des hauts le cœur. Je vais pas faire la fine bouche, moi je suis l'estomac de la France. Faut que je digère tout. La casse secoue sa vieille tête poudrée. On nous a changé notre roi, bien sûr, le numéro, tout au moins. C'est plus Louis XVI, c'est Louis XVIII. Bien d'autres choses ont changé, mon pauvre Blacas, qu'il faut avoir le courage de regarder en face. C'est tout ce qui nous reste, le courage. Et l'honneur. Le mien, c'est moi qui en décide. Et la France, elle n'a pas à en avoir. Il le regarde. J'admets que vous soyez demeurés de vieux oiseaux plumés qui n'y comprennent plus rien. Le monde va trop vite. Mais il ne vous reste donc pas deux sous de virilité et de bon sens. Vos pères en avaient, je vous le jure. C'était d'autres gaillards que vous. Tout ça, c'est la faute de Louis XIV. À force de vous faire attendre à Versailles dans l'espoir de la bonne place et de la grosse pension, il a énervé sa noblesse. Il y avait des hommes en France avant. Un peu turbulents, mais avec une tête ou deux par an, on s'en tirait. Et puis un jour, il n'y a plus rien eu du tout, que des danseurs de corps. Et c'est les arrière-petits-fils qui paient la note du grand-papa maintenant, hein. C'est le désert autour d'eux. J'ai pas de Richelieu, moi. Plutôt si j'en ai un, mais c'est pas le bon. Bon, je prends Fouché. Me laverai les mains après. Bonaparte a créé une administration plus efficace que la nôtre. Génial, les préfets. Toute l'Europe nous les envie. Je les escamote. Il a fait un bon code civil. Adjugé. Et si vous voyez autre chose, dites-le-moi. Je suis preneur, hein. C'est la foire d'Empogne. Et tout gros que je suis sur mes grosses jambes qui ne me tiennent plus, je vais être au premier rang. Je suis 29 millions, hein. Moi, j'ai de l'appétit. Sire, les bras m'en tombent. Ben, laissez-les tomber, il n'y a plus rien à saisir. Plus de cours, hein. Je ne peux plus danser, je préfère danser les autres, sous mon nez. Hein. Plus de pension, ma maison réduite, je vais être avare en plus, ça sera nouveau pour un Bourbon. Voluptueusement avare. Nous allons être obligés à une longue paix pour nous refaire. Le sang de la France, maintenant, ça va être sur l'argent. Je ne le lâcherai que goutte à goutte. Blacas emphatique et vaguement ridicule. Sire, je suis profondément triste. Il y a au ciel 40 rois, vos pères, qui détournent le regard. Ben, ils sont au ciel. Qui prie, hein. Moi, je suis sur la terre, je suis le 41e, et c'est moi maintenant qui suis chargé de la cuisine. Plus je m'en vais fricoter pour le bien commun. Il sonne, paraît l'huissier, il demande. Leurs excellences sont dans mon antichambre? Oui, sire. Que monsieur le duc de Feltre les introduise dans la salle des audiences des ambassadeurs ensemble. Comme ils vont me demander la même chose, ça sera plus vite fait. L'huissier sort, Louis à Blacas. Je vous salue, mon bon. Aidez-moi donc à me lever. Il a pris le bras. Gentil, faisant avec lui quelques pas vers la fenêtre, il se couvre de son curieux bicorne. Dire que nous dansions tous deux jusqu'à l'aube, comme de jolis cœurs à Trianon. Ce temps est passé. Voyez, devenu vieux et podagre, j'ai dû me mettre à travailler pour vivre. Il lui tapote affectueusement la main. Vous êtes mon vieil ami, vous savez, Jules, quoique je vous étrangle. Devinez ce que je vais leur faire à ces trois imbéciles solennels qui m'attendent à côté. Un Prussien, un Autrichien, un Russe. Tous les trois avec leurs grosses bottes neuves de vainqueurs. Ils dégantent déjà leurs griffes. Je les vois d'ici. Mais je sais ce qui les divise et ils ne savent pas que je le sais. Je vais soutenir chacun d'eux à tour de rôle contre les deux autres. Et quand ils seront bien en train de se crêper le chignon, je reprendrai mes pions. Vous ne pouvez pas me vanter d'ailleurs, c'est pas de moi. C'est cette vieille crapule de Talleyrand qui aime le coup au poing, vieux. En parlant, ils se sont rapprochés doucement de la fenêtre comme un vieux couple d'amis. À ce moment, un coup de feu éclate venant de la cour, bruit de carreaux cassés. Louis XVIII porte la main à son chapeau et dit simplement « Raté ! Mais il m'a trouvé mon beau chapeau neuf, l'animal !» Il y a une sorte de brouhaha dehors, puis Fouché entre précipitamment. Fouché, sire, j'entre vous rassurer. C'est un jeune officier, un malheureux qui a la tête tournée. Mais que votre majesté ne s'inquiète de rien, c'est sur moi qu'il a tiré. Louis s'exclame railleur. Voilà ce que j'appelle un ministre dévoué. Vous êtes blessé, j'espère. Non, sire, c'est moi bien. Moi, il m'a trouvé mon chapeau. Où est ce jeune homme? On s'est assuré de lui. Faites-le monter. Je veux le voir. Sire, il est peut-être imprudent. Ça me regarde, monsieur. Votre métier est de lui prendre son pistolet et de le faire monter puisque je vous l'ordonne. Fouché s'incline et sort. Blacas dans un grand mouvement ridicule. Je reste, sire, je vous ferai un rempart de mon corps. Louis lui tapant affectueusement sur l'épaule. Vieux fou. Je sais que pour cela, je peux toujours compter sur vous. Mais vous êtes si maigre, mon pauvre Blacas, et je suis si gros que le plus mauvais tireur trouverait le moyen de m'atteindre quand même. C'est donc inutile. D'ailleurs, sortez sans crainte, on lui a enlevé son pistolet. Il a poussé gentiment Blacas dehors. Resté seul, il passe comiquement son doigt dans le trou de son chapeau et murmure « Un doigt de plus, et mes pauvres Français, ils avaient Charles. » Dassonville entre, introduit par Fouché, qui a l'air un peu ennuyé. Il se fige au garde-à-vous. Louis le considère ironique. « Le garde-à-vous est impeccable, mais vous tirez mal, lieutenant. Sire, j'ai tiré sur monsieur le duc d'Otrante. Il se porte bien, vous tirez mal. Quel régiment ? Deuxième voltigeur. Et avant ? Avant ? Deuxième voltigeur. Un peu insolent, il ajoute. Et pendant le temps du premier retour de votre majesté royale Sardaigne, colonel le marquis de Pontorson, je vous recommanderai à lui, monsieur. Je compte être fusillé. Si nous le voulons, tout de même, mon petit ami. J'admets qu'on tire si on a des convictions, pas qu'on soit insolent. Vous lui parliez sur ce ton, à Bonaparte ? J'avais le plus profond respect pour l'empereur, et aucun pour le roi. Je sais, c'est la mode en France. Depuis qu'il est parti, il a toutes les qualités. Repos, d'abord. Dassonville reste figé. Je vous ai dit repos. Lui, il aimait peut-être ça, mais moi, j'ai horreur des gens au garde-à-vous. Les révérences, je veux bien. C'est peut-être ridicule, mais c'est gracieux. Le garde-à-vous, je trouve ça bête. Ça me gêne. Il le considère et demande. Qu'est-ce qui vous dégoûte au juste dans le duc d'Otrante? Il y a du choix. Dassonville se remet au garde-à-vous. Il a trahi. Qui ? Vous êtes fort, si vous le savez. L'empereur. Moi aussi, mon petit sans doute. Je ne fais pas tant d'histoire. Fouché s'avance. Sire, je sens que cette conversation avec ce jeune énergumène va être pénible pour votre majesté. Mais non, pour vous, peut-être. Moi, elle m'amuse beaucoup. Considère encore Dassonville, souriant. Renoncez donc à votre garde à vous, mon enfant, car vous êtes un enfant. Vous voyez, moi, je m'assois. Il fait signe à Fouché qui avance un fauteuil près de Dassonville, il s'assoit. J'ai peur que, debout tous les deux, notre conversation ne prenne un tour trop solennel, et puis j'ai mal aux jambes. Quel âge avez-vous ? 22 ans, sire. Et ça tire déjà. J'ai fait la campagne de France et Waterloo. J'étais élève aspirant pendant la campagne de Russie. Je sais, chez Bonaparte, on commençait jeune. Comment vous appelez-vous ? Dassonville. Vous êtes parent de la vicomtesse Bunier de Dassonville ? C'était ma mère, sire. Je l'ai connue. Votre père a péri sur l'échafaud, je crois. Oui, sire. À Lyon. Du temps de Monsieur Fouché ? Oui, sire. Et c'est pour venger Bonaparte et non pas Monsieur votre père que vous avez tiré sur lui ? Dassonville se tait. Fouché. Sire, cette conversation me paraît inopportune. Je me dois de signaler à votre majesté que le duc de Feltre a déjà introduit les ambassadeurs des puissances alliées. Ils attendront, ça leur donnera le temps de préparer leur coup. J'ai besoin de connaître ma jeunesse, monsieur Fouché. Je m'instruis en ce moment. Il revient à Dassonville. Je vois comme une contradiction que j'ai du mal à m'expliquer dans ce que vous me dites, monsieur. Quand vous serviez Bonaparte et que le duc d'Otrante le servait aussi, vous avez eu mille fois l'occasion de le voir sans dégoût, Fouché de plus en plus inquiet. Ce jeune homme est un exalté qui ne me pardonne pas d'être sincèrement passé au service de votre majesté. Si j'avais eu besoin d'un brevet de sincérité et de loyalisme, vous en avez besoin, monsieur Fouché, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me persuader que ce coup de pistolet vous le donne. Laissez-moi seul avec ce jeune homme. Sire, je suis au regret, mais mes lourdes responsabilités de ministre de la police de votre majesté et le soin de sa sécurité, dont je suis redevable au royaume, ne me permettent pas d'obéir à ses ordres. Ce jeune homme vient de tirer un coup de feu. Il peut dissimuler une autre arme. Si vous avez fait votre métier, monsieur, conscient de vos lourdes responsabilités, il est désarmé maintenant, hein, et fouillé. Obéissez-moi ou je vous fais jeter dehors. Sire, je reste près de la porte. C'est ça. N'écoutez pas de trop près à cause de lui, sire. Fouché sort. Louis considère Bassonville. Pourquoi n'êtes-vous pas royaliste, mon petit? Vous me plaisez. Je ne devrais pas le dire, mais j'aime les chérubins qui tirent des coups de pistolet. Si on n'avait pas envie de tirer un coup de pistolet à votre âge, dans le monde où nous vivons, ça serait à désespérer. Je manque un peu de tireur parmi les fils de mes amis. Rien que des lions, comme la mode le veut, mais sans griffes ni dents. Sire, je resterai fidèle à l'empereur jusqu'à ma mort. Elle est si lointaine. J'espérais avoir tout fait pour la rendre proche. Ni moi, ni... Je ne sais encore pourquoi, mais je compte le savoir, mon ministre de la police, de semblant l'entendre de cette façon. J'ai bien l'impression que ce trou à mon chapeau restera entre nous trois. Je refuse ma grâce. Ça me paraît difficile. Il vous faudrait convaincre personnellement 12 soldats et un sous-officier. Organisez vous-même toute une mise en scène. C'est pas commode, vous savez, de se faire fusiller. Tenez, nous allons faire un marché. Si vous me répondez franchement, je vous promets des passeports pour aller rejoindre votre grand homme. Nous sommes d'accord? Vous ne le saviez pas du temps de votre maître que c'est Fouché qui avait signé l'arrêt de mort de votre père à Lyon. Mon service ne me donnait que peu d'occasion d'approcher le duc d'Otrante. Vous le saviez ou vous ne le saviez pas? Je pensais que le nom de mon père avait été sur de larges listes de condamnés que le duc d'Otrante avait effectivement signé à l'époque où la Convention l'avait envoyé réprimer la révolte de Lyon. Je ne faisais aucun rapport entre eux. Et depuis, vous avez appris quelque chose qui vous a laissé croire qu'il y avait un rapport entre eux. Bassonville au bord des larmes. J'ai pas le droit de répondre. C'est un secret qui ne m'appartient pas seul. Fouché avait connu personnellement votre père? Non. Ma mère. C'est pour ça que j'ai tiré sur lui. Je ne le savais pas. Il s'écoule sanglotant comme un enfant sur le fauteuil. Louis, allons bon. Et moi qui n'ai plus de chance. Il se lève tant bien que mal en s'aidant de sa table et d'une canne qu'il a pêchée au vol. Il va jusqu'à Bassonville, tanguant. Louis, la main sur sa tête, soudain touchant et maladroit. Mon petit, mon pauvre petit, je ne sais pas quoi vous dire, moi. Nous avons vécu des temps atroces où personne ne savait plus exactement ce qu'il faisait. On ne peut pas demander à des êtres humains de rester eux-mêmes dans l'ordure des prisons. Toutes les prisons débordent d'innocence. Ce sont ceux qui empilent leurs semblables pour de vaines idées qui sont les seuls coupables. J'ai connu, madame votre mère, les premiers temps de son mariage. Dans une cour plutôt frivole, elle brillait de tout l'éclat de sa pudeur et de sa vertu. C'est de cette jeune femme dont nous reparlerons tous deux, si vous voulez bien vous attacher à moi. Je veux mourir. J'ai trop honte. Bien sûr, à votre âge, on croit que ça arrange tout. D'abord, ça n'arrange rien. Et puis, je suis vieux, mon petit. Et j'ai appris, un jour pâle d'hiver, la mort ignominieuse de mon frère, puis celle de ma sœur, de ma belle-sœur, la reine, de mon petit cousin Anguin, et d'un grand nombre de mes amis. J'ai eu l'occasion d'apprendre aussi la honte de beaucoup d'autres. Après, j'ai été humilié longtemps, bafoué, trompé. J'ai vécu. Et je tâche de rendre encore quelques services. Il lui caresse encore un peu la tête, timidement. Je ne peux pas rester longtemps près de vous. Il y a les ambassadeurs de mes frères, les souverains de Prusse, d'Autriche et de Russie qui m'attendent pour me voler. Je vais y aller, marchander sans gloire, faire mon métier. Croyez-moi, on a presque toujours quelque chose de mieux à faire que de mourir. Restez au palais ce soir. Bassonville va se dresser. Il lui dit fermement, le retenant, je le veux. Et tout compte fait, je suis votre roi et votre tuteur naturel, puisque votre père était un de mes gentilshommes. Nous nous reparlerons après le dîner d'apparat où je dois faire le bon apôtre en grand habit entre mes trois frères les voleurs, tard dans la nuit. Vous dormez, vous ? Pas ce soir, sans doute. Moi, je ne dors jamais. Nous aurons tout notre temps. Je vous dirai ce que je crois qu'il reste à faire à un jeune homme de nos jours. Oubliez cette foire d'empoigne où nous avons tous vécu. Rentrer chez lui, se marier s'il trouve une bonne fille, avoir des enfants et servir à sa place ou se perfectionner dans son métier, s'il en a un. C'est déjà toute une aventure. Autrefois, c'était ça, une vie d'homme. Avant que les Français se soient mis à faire de la politique et à prendre théâtralement la vie. Ceux qui vous diront que la jeunesse a besoin d'un idéal sont des imbéciles. Elle en a un qui, elle, est la merveilleuse diversité de la vie privée, la seule vraie. Il n'y a que la vieillesse qui a besoin de se chatouiller. Croyez-moi, tout le mal vient des vieillards. Ils se nourrissent d'idées et les jeunes gens en meurent. Et demain, quand vous m'aurez écouté, si je ne vous ai pas convaincu, vous avez ma parole de roi que je vous ferai donner des passeports pour rejoindre votre empereur. Il fait un pas, s'arrête. J'ai dit votre empereur. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. C'est la première fois que je reconnais ce titre au général Bonaparte. C'était pour vous faire plaisir, parce que vous avez 20 ans et que vous pleurez. Tassonville a honte, il se redresse et se remet au garde à vous. Pardon, sire. C'est ça, rester au garde à vous, c'est idiot, mais ça coupe les larmes. Je vais rejoindre mes trois nobles escrocs et tâcher de ne pas nous laisser trop voler. Je dis nous parce que nous sommes français tous les deux tout de même et que c'est notre bien à tous les deux dont il s'agit. Il se ravise, se rapproche, complice. Le duc d'Otrante va sûrement revenir. Il est derrière la porte à nous écouter. Je vous le livre. Donnez-lui quelques coups de poing si ça vous soulage. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas un autre pistolet que ces argousins n'auraient pas su trouver en vous fouillant, farceur. Non, je n'ai plus rien, sire. Bon, je vous crois. C'est que j'en ai besoin, moi, de cette canaille, pour ce que j'ai à faire. Il est sorti marchant péniblement. Dès qu'il a disparu, Fouché entre. Fouché. Mon petit, le linge sale, ça se lave en famille. Tassonville raide. Je n'ai pas de famille. Voir. J'ai été l'amant de votre mère dans la prison des Carmes, à Lyon, dans une cellule que je m'étais fait donner par le gardien-chef, soi-disant, pour l'interroger. Le vicomte d'Assainville était depuis 3 mois incarcéré, côté homme, elle côté femme. Les prisons de Lyon étaient sérieuses, croyez-moi, j'en étais chargé. Et vous êtes né 9 mois après cette conversation. D'Assainville crache tout pâle, raide, sans le regarder. Je vous hais. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que vous tombiez dans mes bras. Mais je voulais que vous sachiez de qui vous étiez le fils. Chacun sa croix, j'ai porté la mienne. J'ai été l'amant de votre mère à la suite d'un chantage que vous avez le droit de trouver ignoble. Et j'ai, mettons, laissé tuer celui dont vous portez le nom. Il y a donc bien peu de chances de tendresse entre nous. Mais je vous dois quelque chose. Je vous ai fait l'héritier en secret de biens immenses. Tel que je vous imagine, mon petit héros, il est probable que vous refusiez ma succession. Je veux donc vous léguer autre chose, un récit qui vous instruira. C'est ce que font les pères ordinaires sur leur lit de mort. Votre mère était assez belle. Pas très belle, mais assez belle. Je suis extrêmement laid, et cet enfant conçu dans le mépris et l'horreur devait être beau comme un enfant de l'amour. Je vous ai regardé grandir comme j'ai pu. Mal, quand vous étiez petit, votre mère vous gardait bien. Je vous entrevoyais quelquefois sur des chèvres aux Champs-Élysées. Mieux quand vous avez pris un peu d'âge. Je m'arrangeais pour inspecter souvent le lycée impérial ou les centres d'élèves aspirants m'attardant dans votre classe. Cet intérêt pour la jeunesse a d'ailleurs longtemps intrigué l'empereur qui m'a prêté les plus noirs desseins. Plus tard, j'étais ministre de la police, c'était aisé pour moi. J'ai surveillé vos amitiés et vos maîtresses. Vous m'en devez quelques-unes que vous n'osiez même pas aborder, trop jeune homme, et qui vous ont sans doute paru bien faciles. Les pères qui ne peuvent se montrer au jour de l'an avec des paquets bien ficelés de marrons glacés et des montres en or font les cadeaux qu'ils peuvent à leurs garçons. Votre beauté m'a longtemps fait mal, comme une insulte personnelle, surtout lorsque vous avez atteint l'âge d'homme. Mais un soir, où je m'étais jeté dans un fiacre pour vous rejoindre à un bal de l'opéra, mes inspecteurs me rendaient compteur par heure de vos faits et gestes. Comme je montais à la hâte le péristyle, craignant de vous rater, je vous ai vu descendre dans le domino que mes services m'avaient décrit, et vous vous êtes démasqué en bas des marches, riant avec vos amis avant de monter dans le fiacre que je venais d'abandonner. Ce soir-là, votre beauté, qui n'avait jamais été plus grande, m'a inondé soudain de joie, comme un pardon. Je n'ai jamais compris d'ailleurs ni le pourquoi du pardon, ni celui de l'insulte. Depuis, en y réfléchissant, j'ai fini par croire que j'avais été tout simplement heureux parce que vous étiez assis dans ce fiacre à la place que je venais de quitter. J'étais assez humble, vous le voyez, quant au prétexte de mes joies de père. De ce jour, moi qui n'en avais jamais eu même l'idée, depuis ma plus tendre enfance, dont je ne vous parlerai pas, mais qui fut laide, j'ai connu le bonheur. J'étais devenu vous. J'ai cru crever de joie quand mes inspecteurs m'ont appris peu après que vous aimiez une jeune fille et qu'elle vous aimait. Ma meilleure équipe fut aussitôt chargée de la prendre en filature et de la protéger de tout. Elle qui avait cet immense honneur d'être aimée de vous et de vous donner un jour l'amour. Peu d'altesses impériales, et j'en ai fait escorter beaucoup, ont été aussi bien gardées que cette petite bourgeoise parisienne. Et si mal, d'ailleurs, puisque mes limiers les plus fins ne l'ont pas empêché de prendre froid dans un jardin un soir de bal et d'y gagner le mal qui devait nous l'apprendre. J'ai fait casser par la suite un de ces deux hommes, qui était pourtant mon meilleur agent, prétendant qu'il aurait dû trouver une façon ou d'une autre de l'aborder, de la forcer à mettre son écharpe. J'ai pleuré cette jeune fille que je ne connaissais pas aussi longtemps que vous, plus longtemps peut-être, car vieux et n'ayant pas connu l'amour partagé, je l'attendais avec plus de ravissement que vous. Je devais cependant vous devoir un autre sentiment humain, la jalousie. Lorsque vous êtes mis à admirer l'empereur, comme tous les jeunes gens de cette époque, c'est d'abord un effet de votre jeunesse qui m'a rendu jeune et naïf, moi aussi, pour un temps. Je crois bien que pendant cette période, qui fut courte, je l'ai servi assez honnêtement, et sans arrière-pensée. Mais le jour où j'ai compris que vous l'aimiez, et qu'il était devenu pour vous une sorte de dieu, je l'ai haï. Et j'ai travaillé à le perdre. Je ne suis pas la providence, il commençait à se perdre lui-même. Il venait de tomber dans le piège absurde de la guerre d'Espagne, et il louchait déjà d'un œil vers le linceul blanc de la Russie. Mes conseils, cependant, l'y poussèrent. J'en prévoyais les conséquences. Je ne m'en tins pas là. Le lendemain de la découverte de votre amour pour lui, des émissaires à moi prenaient contact avec le comte de Lille à Mitau pour préparer l'avenir. Tel rang, sans s'en ouvrir à moi, et pour des raisons où il n'entrait pour sa part aucune trace d'amour malheureux, je vous prie de le croire, faisait de même. Bientôt, nous nous devinâmes. Sans nous avouer nos motifs, les miens eussent bien surpris et fait sourire le prince. Et nous agîmes de concert. Je ne veux pas prétendre que c'est pour avoir su vous inspirer un sentiment sur lequel il m'était interdit de jamais compter que Napoléon est tombé de son trône. Je vous paraîtrais peut-être un fou, et je ne le veux pas. Mais il est probable que pour une part infime, cela y a aidé. L'histoire est faite d'une multitude de petites causes. C'est parce que vous étiez blessé à la Moscova que j'ai laissé la conspiration m'aller éclater pour apprendre à cet homme à vous exposer sottement. Pendant la campagne de France, c'est parce que j'étais sans nouvelles de vous que les alliés m'ont dû la capture de cet officier de liaison, porteur d'une lettre à l'impératrice régente, où il l'avertissait de ses intentions tactiques, ce qu'il n'avait jamais fait avant pour personne. Ça, c'était de lui, l'imbécile. Un obscur instinct le poussait à sa perte. Mais la capture fut de moi. Elle permit à Blücher de déjouer la fausse marche de l'empereur sur la frontière, de renoncer à le poursuivre comme celui-ci l'espérait, et de redescendre sur Paris, coupant ses lignes. Je devais faire vite, vous étiez peut-être blessé, quelque part, massacré. Paris pris, enfin j'eus le bonheur d'avoir de vos nouvelles. Je veillais ensuite à tout, jusqu'à Fontainebleau, où ces maréchaux, travaillés par moi, l'obligèrent à signer l'abdication. Vous savez la suite. Sauf, peut-être, que si ce gros nonchalant de Louis XVIII n'avait pas jeté dans sa corbeille la liste des conjurés que je lui avais secrètement fait tenir un mois avant, Napoléon n'aurait pas pu quitter l'île d'Elbe et vous procurer la joie de le revoir encore une fois. Voilà. Tout cela pour vous dire que, sans en avoir jamais rien su, vous avez été un jeune homme beaucoup aimé, mon petit pistolero. J'ai fini. Il attend et demande d'une voix toujours aussi froide, mais peut-être un peu plus sourde, « Est-ce que je peux vous demander quelles sont vos intentions ?» Dassonville, qui n'a pas bougé, accepter les passeports que le roi m'a promis demain matin et rejoindre l'empereur. Fouché est resté impassible. Je suis toujours ministre de la police et toujours très puissant, quoique ce gros Louis soit plus difficile à rouler en fin de compte que votre homme de génie. Il me serait aisé de vous empêcher d'atteindre Rochefort. Mais je n'en ferai rien. Il dit sourdement, comme gêné, je dois m'être mis à aimer souffrir. Une autre chose que je vous devrais. Il ajoute, mystérieux. Et puis, je compte beaucoup sur votre idole elle-même pour achever de me venger. L'éclairage change, une toile tombe, ce n'est plus le palais des Tuileries. Elle représente le haut mur hostile de la carène du Bellérophon à quai à Rochefort. Un factionnaire anglais, qui doit être joué par le même acteur, mais glabre, alors que le premier était vaillamment moustachu, vient de son pas raide de sentinelle anglaise prendre la garde à la passerelle, qu'on pousse des coulisses dans l'autre sens, suivi au talon par un sous-officier qui aboie tandis qu'il se fige au port d'armes, tout sauf for this for you. Sous-officier sort. Napoléon entre, accompagné de Dassonville, par l'autre côté. On sent qu'il fait les 100 pas avec lui sur le quai depuis longtemps. Il jette à Dassonville comme un os à un chien qui vous ennuie, distrait. Très gentil d'être venu, lieutenant. Mais il ne fallait pas vous déranger. Je n'ai plus que vous, sire. Napoléon, moi aussi. Dassonville est perdu, croyant à autre chose. Oh, sire! Je veux dire que moi non plus, je n'ai plus que moi. Vous croyez que Montholon, Marchand et les 4 autres imbéciles qui sont à bord, c'est une compagnie pour un homme comme moi? Si au moins j'avais pu emmener Fouché. Tiens, au fait, qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là? J'ai eu le temps de le faire fusiller? Non, sire. J'ai cuisiné le petit lieutenant du bateau qui me regardait avec des yeux ronds en baragouinant le peu d'anglais que je sais. Je fais la dupe parce que j'en ai besoin. Ma scène d'indignation sera meilleure en pleine mer que sur ce quai plein de détritus. Mais je sais déjà qu'ils ne m'emmènent pas en Amérique. Ils vont me déposer dans une île, au sud de l'Atlantique. Un rocher, quelque part au diable. Dassonville est perdu. Sire, je ne vous reverrai plus. Il y a des chances. La seule chose qui m'amuse là-dedans, c'est la tête qu'ont vont faire les autres. Les 4 dévoués et leurs dames qui sont montés à bord croyant partir pour un agréable voyage touristique sur le nouveau continent. Il avise le soldat, prend le bras de Dassonville. Si nous essayons d'aller tirer les vertunés du factionnaire, on oublie toujours les factionnaires tellement on a fini par les confondre avec leurs guérites. Mais ce sont des gens qui écoutent tout. On passe près d'eux en discutant du sort du monde, ils sont de pierre et hop, ils ont entendu. L'histoire est pleine de factionnaires qui étaient au courant avant les ministres. Il s'approche du factionnaire qui présente aussitôt les armes figées et lui demande avec un accent abominable. « What is your regiment ?»« Second Royal Highlander, sir. »« And your name ?»« Smith, sir. » I have known a Smith during the beginning of the Battle of Waterloo. He was blessed. Il est inquiet de son mot, il se retourne vers Dassonville. Blessé. Wounded, sir. He was wounded, and I gave my own flask of rum to one of my officers for him. Is it true? Factionnaire. No, sir. Il est resté impassible. I was not at Waterloo. Napoléon un peu vexé. All right. Ouais, t'es pitié. Il se retourne vers Dassonville et constate froid. Mon étoile m'abandonne, lieutenant. Il y avait une chance sur 10 000, mais autrefois, je serais tombé sur le bon Smith. Il s'est éloigné un peu attristé. Il marche un peu en silence et demande soudain à Dassonville. Qu'est-ce que nous disions? Dassonville tressaille d'espoir. Je finissais de vous raconter, sire, combien j'avais besoin de vous revoir et combien j'avais souffert. Napoléon distrait pendant une prise. Ah oui, oui. Et de qui étiez-vous le fils, en fin de compte? De Fouché. Oui, c'est vrai. Il me l'avait dit, je ne sais plus quand. Vous savez que je me suis longtemps demandé si je n'étais pas le fils de M. de Marbeuf. Quoi, le genre de Madame Mère sur le tard enleva tout crédit à cette hypothèse. Nous devons être beaucoup dans ce cas. À quoi bon le savoir, un vrai homme et son propre père? Il enchaîne. Leur histoire de l'île, à votre avis? Vous croyez qu'ils vont me l'asservir avant de lever l'ancre, dans la cabine du contre-amiral ou en pleine mer? Dans la cabine, pour ma scène, ça serait triqué. Je vois ça sur le pont, par une tempête. Je ne sais pas, sire. Vous ne savez jamais rien. Toujours autant de rigueur? Oui, sire, plus que jamais. Gardez-la, ça peut toujours servir. Il ne faut jamais rien jeter. Ce qui m'ennuierait, c'est qu'ils m'annoncent ça avant ma phrase. J'y tiens beaucoup. Je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. L'Angleterre a toujours été mon plus loyal ennemi, etc., etc. Il est très important pour l'histoire que j'ai marqué le coup de la confiance avant qu'ils ne m'assènent le coup de l'île. Si j'ai pu la leur dire avant, j'ai le public pour moi. Tu es ? La Sonville, rougissant comme une jeune fille, se jette à l'eau. Ah, oh, sire, je voudrais faire mieux. Je voudrais vous donner ma vie et vous suivre là-bas. Napoléon épouvanté. Oh ! Il n'en est pas question, mon ami. D'abord, ils m'ont fait faire des listes, des contre-listes de tous les gens que j'emmenais. Je croyais qu'avec la bureaucratie française, pour être paparassière, à l'étranger, ils ne nous le cèdent en rien. Et puis surtout, je ne vous cache pas que dans une île déserte, avec un bonnet de nuit comme vous, je ne tiendrai pas. Il va falloir beaucoup d'optimisme, là-bas, forcément. Nassonville fondant en larmes dans ses bras. Oh, si, si, mon empereur ! Napoléon le repousse, pas de larmes, ça mouille. Ah, j'ai horreur de ça, hein. Je compte sur vous pour de jolis adieux, bien entendu, le jeune officier qui quitte son empereur. J'espère que nous aurons un peu de monde. Mais pour le moment, nous sommes seuls, hein, alors épargnons-nous ça. Mon garçon, je ne sais pas comment vous m'êtes tombé dessus, et pourquoi je vous vois partout, depuis quelque temps, mais si j'étais monsieur votre père... Qui est-ce, au fait ? Vous ne m'avez pas fini votre histoire. Dassonville abattu, Fouché. Ah, oui, c'est vrai. Quel crapu, celui-là. Donc, si j'étais monsieur votre père, je vous donnerais quelques solides conseils sur la vie. Vous en avez besoin. D'abord, pas de larmes. Et puis, pas d'amour. C'est une invention de bas bleu. Personne n'aime personne. Vous ne m'aimez pas. Vous le croyez parce que vous êtes un jeune daim qui n'a rien connu, mais vous avez votre petite crise d'émotion. Voilà tout. Comme une jeune fille. Sire, je suis un soldat, je n'ai pas cessé de me battre depuis la Russie. Ça n'empêche rien, j'en ai connu des soldats, personne n'en a connu plus que moi. Tous des filles, question sentiment. Les hommes sont rares. Vous avez admiré votre empereur. Bon, c'était votre devoir. Il vous a conduit longtemps à la victoire. Bon, maintenant il est battu par leur anglais et il s'en va dans l'exil achever son destin. Bon, ce sont des histoires d'hommes, tout ça. On ne pleure pas. Moi, ce qui me préoccupe en ce moment... Le pied sur la passerelle de ce foutu rafio qui va m'escamoter pour toujours, c'est de réussir ma sortie. Pas le coup de Thémistocle, le coup de l'île déserte. Ça, c'est un lever de rideau avec des acteurs de second ordre, non. Ma vraie sortie tout seul là-bas. En un mot, comme un mille, il faut que je crève bien. Dassonville se jette à ses genoux gémissant. Je veux mourir aussi, sire. Ah, mais non. D'abord, vous avez le temps, et puis vous, ça n'intéresserait personne. Il y en a eu des morts ces derniers temps. Mais enfin, je me donne à vous. Gardez. J'ai plus besoin d'homme. J'en suis au monologue final, seul en scène. Le lieutenant que j'ai cuisiné m'a dit que le factionnaire qu'on avait nommé là-bas pour me garder est un certain Hudson Love, un homme qu'il connaît bien, vaguement de ses parents. Paraît que c'est un brave bougre, un peu tatillon. Vous me voyez finir à côté d'un brave bougre, un peu tatillon, avec qui je jouerai au whist le soir après le dîner, moi ? Ils me connaissent pas. Je la vois maintenant, la fin du cinquième acte, sur ce rocher, nous deux, là. Je vais en faire un monstre de cet homme-là. Un bourreau qui puera au nez de la postérité. Faites-moi confiance. Moi, ave, parasé, négligé, poitrinaire, ou avec un cancer à l'estomac, peut-être. Il suffit de vouloir, l'homme meurt quand il veut, de ce qu'il veut. Et leur apprendre aux Anglais, s'ils ne savaient pas ce que ça peut être embêtant à la longue, un persécuté qui s'y entend à faire parler de lui. Un officier anglais descendu de la passerelle, l'officier avec un fort accent. Général, le contre-amiral vous fait dire de bien vouloir monter à bord. On va appareiller. Il salue et se fixe au garde à vous. Napoléon grommelle. Général, ils me paieront ça pendant des siècles. Au revoir, lieutenant. Ne soyez pas triste. Tout ça, c'est la foire d'Empogne. Il regarde le quai désert autour de lui, déçu. Je regrette seulement que nous n'ayons pas eu un peu plus de monde ce soir. Enfin, c'est comme ça. Couvrez-vous de gloire, s'il y en a encore. Tirez sur le gros Louis, par exemple, ou devenez carbonaro. Dans le jacobinisme, tenez, je suis sûr qu'il y a encore de l'avenir. On n'a pas fini de le presser en France, ce citron-là. Bonne chance. Vous m'écrirez ce que vous comptez faire si le courrier suit. Dassonville raide, les larmes aux yeux. Je le sais déjà, sire. Me marier et avoir des enfants. Napoléon montant la passerelle à différents. Eh ben, c'est une idée comme une autre. Hein? Mais croyez-moi, ne leur parlez pas trop d'idéal, là, vos gamins. Ce n'est pas un bagage pour la vie. Le factionnaire présente les armes, pendant que, suivi de l'officier anglais, Napoléon s'embarque sur le Bellérophon. On entend à bord la clique jouer le God Save the King pour accueillir Napoléon. À son ville, il est resté tout raide, tout triste, le rideau tombe.